que la rap vole, que le black pue, que mes 16 rassasient les censures, que je suis censé vivre comme un chien, les jaloux me lècheraient le cul. Ils disent que ma carte d'identité n'a aucun poids face aux faciès. C'est vrai frère, sur ma vie je l'atteste. Belly, c'est quoi les bails? Notre rap vise l'Europe ou quoi? On prend la Champions League, on trace au bled ou quoi? Ici ils disent qu'on fait tâche, que la crise est faite pour qu'on soit un peu plus dans la crasse. Si t'es au Hebs, faudra attendre les grâces. Ils disent que nombreux de mes frères sont enfermés, condamnés, que la solitude a rendu muet. Ils disent que la réinsertion est une bouée. Ils nous appellent les dollars, une case d'aide à Moura toujours écrouée. Ce qu'ils disent on les assomme nous. Diox Belly gère le bis, laisse les dire, on s'en bat les couilles. France, Belgique, on serre les couilles. Ils disent que notre rap leur casse les couilles. Pour info, je vends pas la blanche, ça c'est un principe. J'ai pas mis le nez dedans, ça c'est pas mon trip. Ils disent, négro, tu buzz, je fais tapiner vos langues pendues, ma plume prend du poids. Mes cordes vocales prennent du grade. Le flow saccade, saccage, saccage, ça taille, ça travaille, ça taille. Peu de taille, à droite, à gauche, ça freestyle. Impérial dans chacun de mes tacles. Ils disent mais ne regarde pas leurs actes. Leurs bêtises un massacre. Possède la maîtrise dans les contacts. Quand les cons jactent, j'gagne du temps sur chaque mesure que j'bac. Pas de ceux qui claquent le bénéf en boîte. Tu voulais du lourd? Tiens voilà de l'or. Bande d'enfoirés, j'suis là pour baiser le score. Diox Belly, t'as la lourdeur sur chaque rapport. Bellec sur mon Pro Tools, j'suis en mode rap. Ce qu'ils disent on les assomme nous. Diox Belly gère le biz, laisse les dire, on s'en bat les couilles. France, Belgique, on serre les couilles. Ils disent que notre rap leur casse les couilles. Ils disent que ma musique est racaille. Mon buzz leur fait claquer des pattes, ils sont pas de taille. Moi je maille, toi tu mouilles. Inch'Allah un jour t'inquiète moon. Le fiston grandit, il dit je suis bandit. N'écoute pas les dires, ils sont servis par la jalousie. Ils disent tant de choses et peu de vérité. Et quand tu vois que j'ai le seum, je peux pas l'éviter. Impulsif, on marche pas sur mes pieds. Ils disent que j'ai la gueule du suspect. Ici le stress nous a découpé. Rédige des couplets, plein de toupets. Tu peux dire je vais pas te louper. Je marche pas groupé, en solo malgré les acolytes. Avec la solitude, je vous avoue, j'aime bien camper. Ils disent que ce sommaire mérite d'être clippé. De la Belgique en France, les liens sont tissés. Ce qu'ils disent, on les assomme, nous. Diox Belly gère le biz, laisse les dire, on s'en bat les couilles. France, Belgique, on serre les couilles.